Vous êtes assez fait. 89. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Boom Booty, en effet, c'est les paroles assez fous pour la semaine du 16 au 22 novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudet. Encore ensemble pour une autre édition de 3 heures avec la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, toi. Mm-hmm. Comme un cadeau. Comme un cadeau. Pas emballé. Non. Mais on s'emballe vite. Ah, ça, je te l'accorde. C'est ça. Excusez, ça crie là, au bord des studios. Ça crie. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est le public qui a envie d'entendre 3 heures de bonne musique? C'est le public en délire. Le public se demande si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone. The Sheepdogs avec Downtown. Et du côté francophone, eh bien, on va se demander si c'est encore Bernard Adamus avec Donne-moi-en. Ben, le public va devoir attendre. Et pas le choix. Parce qu'on a de la place pour des nouvelles entrées. Ben oui. Les palmarès, c'est fou, c'est pas juste du vieux stock. Ben non. Il y en a qui collent depuis un bon bout de temps. Il y en a une pièce en particulier qui est là depuis 10 semaines. Oui, du côté francophone, ouais. C'est incroyable. Mais donc, on a 5 nouvelles entrées. En anglophone, plus tard, il y aura Loose and Afterlife ainsi que Matrix. Et du côté francophone, eh bien, on aura... peut-être une nouvelle entrée des Connards à l'Orange. Oh! Peut-être une nouvelle entrée d'Athéna. Ah, ambitionne pas, là. Eh, je sais comme ça. OK. Ben, commençons ça, par... Je sais, mais je dis rien, tu sais. Tu dis rien. Tu dis des affaires, mais tu parles pour rien dire, finalement. Je fais tout le temps ça. Un peu comme on fait pour remplir 2 heures le matin à Assemblage Requis. C'est l'histoire de ma vie. C'est ça. Alors, on va commencer par les 20e places en anglophone. Il y aura Metric avec Lie, Lie, Lie. Et du côté francophone, eh bien, oh, on aura du Athéna. Ah, ben, quelle surprise. Et, avec Pramonta. Et ça, cette pièce-là, c'est un morceau d'anthologie, une pièce importante dans l'histoire de C'est fou. Très importante, mais surtout... Surtout, tu nous as réveillé avec ça un matin à 7h30. Je l'ai dit ce matin quand je l'ai fait jouer à Assemblage Requis que je prends pas vraiment en considération... Ta job au sérieux, tu prends pas tellement ta job non, au sérieux. Non, non, c'est faux, je prends ma job au sérieux, okay. Mais j'ai pas tout le temps d'écouter la pièce avant de la faire jouer. Alors, on va vous avertir, elle va peut-être vous crier les oreilles dès le départ. Attachez votre tuque. Avec de la broche, mettons. Athéna, tout de suite, au palmarès, c'est fou. Yeah!

Lucid Afterlife, la pièce EO, hein, comme vous l'avez remarqué par le refrain, EO, EO. L'album s'appelle I Am, et ça, c'est un groupe de, selon eux-mêmes, heavy mellow. Oh! Du lourd calme de Vancouver, en Colombie-Britannique, lucidafterlife.com. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu Les Connards à l'Orange, avec une nouvelle pièce en entrée musicale qui est Richard Desjardins. Ça ressemble énormément à leur précédente pièce dans la façon de chanter, mais c'est le style du groupe Connards à l'Orange, on aime bien ça. C'est vrai, on adore ça. Avant ça, c'était les nouvelles entrées en 20e en anglophone Matrix, avec le troisième extrait de l'album Pagans in Vegas qui s'appelle Lie, Lie, Lie. Et du côté francophone, eh bien, on vous avait dit d'attacher votre tuque parce que ça... Ça décape, ouais, ça décape. Ouais, ça décape. Ça récure. Eh bien oui, c'était Athéna. Est propre. Oh oui, c'était Athéna avec Prends mon temps. Et là, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Il nous reste seulement une nouvelle entrée. Juste une. Et comme j'ai mal calculé mes affaires, j'ai fait deux blocs mal séparés, donc on a fait quatre pièces et là une, à la place de faire deux et ensuite trois. T'sais. Ben c'est pas bien grave. En fait, on va aller écouter une artiste qui va être du côté de Trois-Rivières en février, donc février 2016, tu sais. Oui, oui. Prenez-la en note, là. Ouais, mettez-la à votre calendrier, là. Okay. Le 20 février 2016, du côté du café-bar Le Zénob, eh bien, elle va être ici à Trois-Rivières pour nous présenter des extraits de son nouvel album. On va faire les 30 secondes à la fois, hein. Juste le refaire. Puis Ouais, c'est ça. Juste des extraits comme ça, bing, bang, super vite. Badaboum, badaboum. Badaboum. Maud Audet, là. Oui, Maud Audet. C'est juste moi. Ou aurait dû s'appeler Maudet. Ah, peut-être. C'est un peu redondant, Maud Audet. Mais non, mais c'est pas grave, ça. Hey, est-ce que tu savais, en plus, elle est finaliste au prix d'excellence des arts et de la culture de Québec dans deux catégories différentes, mais dont une pour une conception sonore créée en duo avec Navet Confi. Ah, Navet Confi qu'on va retrouver plus tard dans le palmarès. Ouais. Et si je peux vous donner un indice beaucoup, beaucoup plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard. Maintenant. Dans très, très longtemps. Ouais. Ça veut dire qu'il est proche du sommet, ça. Oh, c'est un indice, c'est un cue. Et puis là, on s'en va écouter dans les nues. De Maudet. De Maudaudet. Non, Maudet. Maudet, selon Mathieu. Au palmarès, c'est fou. Ou les poumous. 89.fm. Les palous. Partout où ils en parlent, et tu nous as.

direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Accroche-toi en ouin! C'était The Paper Kite et Electric Indigo qui descend de deux places en 15e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de deux places pour Marie-Pierre Arthur avec Cacher l'hiver en 15e position. Ben, bon, tante! Ben, te le dis! Il va te laisser cacher! Ben oui, parce que regarde, il fait tellement beau aujourd'hui. Ah, aujourd'hui ou au moment où vous nous écoutez, peut-être, on sait ouais. pas. On sait pas! Et on ne sait pas. On lance des indices comme ça, mais dans le passé, pour ceux qui vous en reprise, il faisait beau! Imaginez, remettez-vous ça en mémoire comment il faisait beau mardi. Mardi, le 17, à 15h38, 59 secondes, il fait beau. Et vos paupières sont lourdes, et vous allez imiter un poulet pour le reste de la journée. Et voilà. Bref, alors, on était rendu en 14e place. Oui, déjà. Bon an, mal an, comme on appelle. Oui, oui, t'as réussi à dire le mot déjà encore. Yes! T'es la championne du mot déjà. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ce matin, là, puis quand que je l'ai dit... Je l'ai entendu sortir de ma bouche et au même moment, je t'ai vu faire comme « Oh, déjà! » Au ralenti, c'est comme « Non! » Pareil. Ah, tu voyais comme un petit fantôme sortir de ta bouche, genre comme un nuage de fumée. Le mot « déjà » écrit en... C'est exactement ce qui s'est passé. En lettres attachées. C'est quoi, tu m'as dit tantôt sur Facebook, t'as dit « Ah, oh, ça a l'air d'être écrit par une fille avec les mots qu'elle utilise. » Ben oui, mais elle parlait d'elle au féminin, c'est sûr, c'est exactement, une fille. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est quoi, genre, sur Facebook, c'était écrit en lettres attachées, ça? Ben, c'était encore sur Spotted du QTR, là, parce que, tu sais, on le sait, dans l'assemblage Reiki, parfois, ça nous arrive de faire des petits segments Spotted du QTR et de rire des gens qui posent des choses. On l'a fait une fois au mois de septembre, je pense, ouais. Je crois qu'on l'a fait 2-3 fois. OK. Mais en tout cas, c'est une fille qui disait qu'elle allait être nouvelle à l'université, puis qu'elle allait être dans les résidences Michel Sarrazin, puis en tout cas, je riais des réponses qu'elle a reçues. Comme? Comme le gars qui l'invitait à un certain numéro ouais. d'appartement. Comme de quoi qu'ils sont très accueillants, ces ouais, gars-là. Ouais, mais que... Il y en a qui vont les déranger, parfois. Genre jusqu'à 5h30 du matin, c'est dans ça. Les résidences. Ouais. Mais il y a d'autres choses aussi sur Spotted du QTR aujourd'hui qui est quand même assez intéressant. OK, qu'est-ce qu'il y a? C'est à 17h ce soir. Ça va être le lancement officiel du fameux carnaval étudiant. C'est vrai, ça va se passer à la Chasse-Galerie, 5 à 7, formule bien classique. On va révéler le nouveau thème. À chaque année, un thème. Ça peut être les contes pour enfants, ça peut être les années 90, ça peut être n'importe quoi comme ça. Puis là, en fait, aujourd'hui, ben tout à l'heure, on se promenait dans les corridors ici du pavillon, puis on a comme vu une espèce d'orignal qui offrait des câlins gratuits. On se demandait si ça avait rapport. T'as raison, tu m'as demandé si c'était un renne. Je t'ai dit probablement, étant donné les fêtes, mais probablement, en fait, c'est plus un orignal parce que le logo du carnaval est un orignal. Est un orignal. Orignal ou chevreuil ou peu importe. Ouais, tu sais, ça, là, ça se chasse, là. Ouais, on s'agacera pas pour des cornes. En tout cas, il offrait des câlins gratuits, c'est tout ce que je me souviens. C'est ça l'important. Pour ce numéro 14, en passant, pour ceux qui n'ont pas compris la référence de peut-être que c'est une reprise, là, 17h, pour ceux qui écoutent le mardi. Voilà. Et voilà. Pour ce numéro 14, en anglophone, ce sera Destroyer qui monte de 3 places avec Girl in Sling. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a descendu quand même de plusieurs positions, de 8 positions pour Simon Kearney avec En attendant. Si Simon Kearney était vraiment un rock, là, à la place de dire un 2, 3, go, qu'est-ce qu'il dirait, tu penses? 1, 2, 3, 4! Mais non, il dirait, non? Et je cite... 1, 2, rock. 1, 2, rock. C'est les valeurs, c'est fou! Au 89 FM. Avec le temps, je fais en attendant de vider le cinéma sans souvenir en attendant. Je n'essaierai même pas de surprendre les grands rôles, je connais les nommés. Je n'essaierai même pas de comprendre en attendant. En attendant. Installé. Les cœurs et les victoires, les rêves Hollywood, je l'espère en attendant. Je n'essaierai même pas de surprendre tous les grands rôles, je connais les répliques. Je n'essaierai même pas de comprendre en attendant. Two stars, three stars, the night sky above used to mean everything to horses in love, girl in a sling. How come your eyes come in and out of focus in the park all alone? Early spring girl in a sling. I've been sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I've been sifting through these remains for years. Bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there. Girl in a Sling par Destroyer. En position numéro, c'était laquelle, ça? 14 anglophones. Et du côté francophone, bien, c'était Simon Kearney avec En attendant. En attendant, nous. En attendant quoi? Hein? Hein? Hein? Questions hein? Sans réponse? Hein? Et les questions sans réponse. Est-ce que tu veux nous suggérer des pistes? Qu'est-ce qui attend Simon Kearney? La 13e place. Ah, peut-être. Mmh. J'espérais des jeux de mots de ta part. Non, je fais plus de jeux de mots. Il attendait qu'il recommence Kearney-ger. Kearney-ger. Kearney comme Kearney-ger. Ouais, ben oui, ben oui. Oui, il attendait de faire bouillir son lait Carnation. Ah, peut-être. Tu sais, c'est tout ce que j'avais là. OK. Simon Kearney. Je pensais que t'allais faire un lien avec la prochaine toune, mais finalement, pas. Non. Je donnais des jeux de mots qu'il avait jamais entendu pour voir si je pouvais être original, ça veut dire. Ben oui. Position numéro 13, du côté anglophone, on trouve une formation qui épelle drôlement son nom. Donc, Magical Clouds avec un J à la place du G puis un Z à la fin. Donc, Magical Clouds avec Downtown. Ça monte de la 18e, c'était nouveau la semaine passée. Tu te souviens pas, au secondaire, on faisait tous ça, on mettait des Z à la place du S à un certain moment. Hot, là. Surtout les filles. Oui, les filles sur Facebook qui écrivent en attaché avec des petits cœurs CI. Hein, puis il y en a qui sont rendus comme à 25 ans puis qui le font encore. On les appellera par leur nom, non? Tu veux pas. toi. Attends, vous reconnaissez. Si je sais pas vous faites. Et voilà, mettez-le. Hein, ou si le foulard, en 2015, ça devrait être si le foulard vous va. Enfilez-le. Enfilez-le, c'est beau. En 13e position francophone, eh bien, ça va être Quebec City de Rosie Vallant. Une chanson qu'on a fait quand même beaucoup jouer ces derniers temps. Parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle est bonne, très bonne. Rosie Vallant. On parlera assez fou. Au 89.1 FM. Dis-le-moi sans mots.

fabriquer des coin-coin en origami. Une case pour non, trois cases pour oui, je te ferai à croire que c'est le hasard qui a décidé. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté, mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, les sœurs Boulay, oui. Avec Laisse-moi sortir ma grande feuille, Andaman Islands. Exactement. Tellement ils font attention pour ne pas rimer parce qu'ils sont au-dessus de ça, les sœurs Boulay, ils veulent tellement pas rimer. Qu'à un moment donné, il y a un mot qui finit par « et », puis ils disent genre « l'amour qu'on a ensemble, ça se prend take-out », alors que ça aurait rimé avec « pour emporter ». Mais oui. Ils font exprès. Avant ça, on a sauté par-dessus plein de choses. On a sauté les 11 et 12 anglophones, LV avec Return to the Moon et Three Wolf Moon par The Matadors, donc deux pièces de lune. On a entendu Magical Clouds et Downtown qui montaient de la 18e à la 13e position. Et du côté francophone, eh bien, on avait entendu du Rosie Vallant avec Quebec City, comme on l'a dit, mais on a sauté la 12e position qui avait quand même monté de 3 places, qui était Les Revenants avec Rien ne saigne comme un pouce. Voilà, c'est la fin de la première portion de l'émission, le premier tiers. Mm-hmm. Et la portion New Shit, dans quelques instants, commencera la portion top 10. Pour pas me rester fou, restez avec, encore une fois, faut pas que ça rime, avec les animateurs de l'émission. Ouais. Tania et Mathieu, je trouve. C'est eux, là. Ouais, Mathieu, la plante. Ouais, puis Tania. Motadine. Baudouin. C'est ça. C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. C'est la deuxième heure des Panaras, c'est fou pour la semaine du 16 au 22 novembre 2015, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, cette portion s'appelle la portion top 10. Déjà. Oh, hein? Est-ce que tu fais exprès? Tu sais, comme les sœurs Boulay, là. Là, j'ai fait exprès. Bref, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tantôt, ben Colin nous a manqué une première heure remplie de nouveautés. Et là, on est rendu dans le milieu de l'émission, c'est-à-dire que c'est les choses qui bougent. Oui! Il n'y a rien de nouveau, mais ça bouge. Ça a bougé énormément. Beaucoup, hein, quand même. Du côté anglophone, la 10e est occupée par l'ancienne 8e, donc ça descend de 2 places pour Caveboy et Something Like Summer. Et du côté francophone, eh bien, ça a monté de 3 positions pour On a créé un monstre avec ta playlist. Maudit que j'aime ça, On a créé un monstre. Ben oui, on l'a fait jouer quand même pas mal dans Assemblage Reiki, celle-là. Hein. C'est une pièce qu'on aime. Ouais, on devrait créer plus de monstres. Ah? J'en connais, moi, des monstres. Ah oui? Est-ce qu'on nomme encore des noms? Non. Sont-ils sur Spotted et QTR? Peut-être. Ça, les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Silencieux la part.

De 15-20 minutes, on vient d'entendre Albert Cross en 9e anglophone avec Ghost of Santa Fe qui monte d'une place. Et en francophone, en 9e francophone, eh bien, on a entendu encore plus fort de Démé. Mm-hmm. Avançant en 10e place anglophone, Caveboy avec Something Like Summer qui descend de 2. Et 10e position francophone, eh bien, c'était On a créé un monstre avec ta playlist. Bon, un gros bloc, là, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir parler un peu. Ben, pas le choix. Hein, fait qu'on va revenir avec près le prochain bloc, puis on va jaser ça. C'est bon, okay. Ça? Puis aussi, plus tard, dans cette deuxième heure, on va avoir C'était fou. Bien oui. Le bloc où on recule dans le passé, cette fois-ci en 2004. Oh! Un petit 11 ans derrière. Ça se prend déjà 11 ans. Déjà! 11 déjà! Ans. Bientôt 12. Oh! Côté anglophone, en 8e place, on trouve Yukon Blanc et Como, comme dans Como Esta. Hein? Como Esta! Oui, pas le bon accent. Ça monte à la 19e place, c'était le vol à ce passé. Et du côté raciste! Non, je me suis vraiment comme mêlée dans mes accents. Hein. J'ai fait un accent comme japonais, comme asiatique c'est pour de l'espagnol. En tout cas, ça n'a aucun sens. Du côté francophone, eh bien, la 8e place, la semaine dernière, quand même, on était en 19e position, donc un saut de 11 positions pour ponctuation avec Mon cœur est une planète. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Il ne fait que subir. 8. Et le morceau Como ou encore le Comorso en position numéro 8 anglophone. Mm-hmm. Et numéro 8 francophone, eh bien, c'était Ponctuation. Mon cœur est une planète. Mon corps est une planète. Pas mon cœur. Ton cœur est quoi de bord? Pas grave. Tu veux pas savoir, c'est ça. Hey, on passe aux prochaines positions déjà. Les 7e places. Tout à l'heure, comme j'ai dit, après, dans la prochaine demi-heure, enfin, on va faire C'était fou. On va retourner en arrière. Mais avant ça, position numéro 7 en anglophone, c'est New Order. Avec l'ancien numéro 9 qui monte de 2, Restless. Et du côté francophone, eh bien, on fait quand même une petite descente. On était en 2e position la semaine dernière. Donc, on descend en 7e cette semaine. C'est Galaxy avec Portugal, qui est quand même là depuis 7 semaines. Des gales, c'est ce que c'est ton cœur? Des gales? Non, c'est correct. On parle pas de mon cœur. Ah, tu t'es fait transplanter un cœur de cochon, Portugal, c'est ça l'affaire. Fait que ton cœur est en train de guérir ton cœur de cochon. C'est ça. C'est ça. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. C'est ça. C'est ça. We'll be right back. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89 fois. Climate isn't the c'était Restless par New Order, position numéro 7 qui monte de deux places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Portugal de Galaxy. Eh oui, eh oui. Hey, tantôt, je vous avais promis qu'on retournerait en arrière un peu. Oui, tu l'as fait. Tu te souviens de ça? Mm-hmm. Comment on appelle ça déjà? T'en rappelles-tu? C'est comme c'est fou, mais au passé. C'est comme un jeu de mots. Retourne dans le futur. Mais non, c'était fou! C'était fou! Et cette fois-ci, on retourne à la semaine du 19 novembre 2004. Tags. We'll all live. to steal. Corporations are trying to kill you. Take you down, now they commit you. Suffocate, now that addict you. Till you do what they want. Till you do what they want. Cool sur moi et C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 19 au 25 novembre 2004. On a commencé avec le numéro 1 francophone, La Descente du Coude et L'Axe du Mal Désaxé sur l'album Pop Montréal. Ça a vraiment changé comme son, La Descente du Coude, c'est devenu bon avec le temps. Non, ça criait beaucoup. Ça criait beaucoup à l'époque. Numéro 1 anglophone, The Midgets avec The Next Song. C'était un single et on a terminé avec une pièce bonus que j'ai choisie moi-même. Flux optique, des abdis gradationnistes sur l'album Puissance et Gloire. Aussi, cette semaine-là, en 2004, on retrouvait le groupe Les Rectum. Fred Fortin, Loco Locas, The Stills. En anglophone, Franz Ferdinand, A Perfect Circle, Flogging Molly, The Libertines, Megadeth, The Waking Eyes, Silvertide et Rammstein en 2004. Et bien, belle semaine. Le lien est sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent en entendre plus de cette semaine du 19 novembre 2004. Voilà pour C'était fou. Il nous reste assez de temps pour les positions numéro 6 de chaque côté dans le présent qu'on appelle la semaine du 16 au 22 novembre 2015. En anglophone, on écoutera The Chic Dogs avec l'ancien numéro 1. Ooh. Downtown. Oh! Qui est numéro 1 cette semaine? Demande-moi pas ça à moi, je sais pas, moi. Moi non plus. Je ne suis que le messager. Oh, quand même. Du côté francophone, eh bien, on fait un saut de 10 positions vers le haut parce que la semaine dernière, on est en 16e position. C'est seulement la 3e semaine qu'on est au palmarès quand même pour Ariane Zita et sa pièce « Soyons sauvages ». Elle, on pourrait dire qu'elle n'hésita pas à monter au sommet. Oh! Elle n'hésita! C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Thank you. Où est-ce que tu... Quoi? Dans... Dans la... Dans barbe. Dans barbe. C'est la nouvelle mode de se mettre des glitters dans barbe. C'est ça que tu es en train de me dire. Ben, je viens de tomber là-dessus, là. Là, là. Live, là. Live, là, sur le site BuzzFeed.net, okay. Qui est quand même... Les copieurs de BuzzFeed, oui. Oui, ouais, exactement. Ouais. Eh bien, ils disent que c'est bientôt Noël et peut-être qu'on devrait opter pour la mode du glitter. Wow, donc on vient d'entendre le Sheepdogs ouais. Downtown, lancé numéro 1 maintenant, 6e place anglophone. Et du côté francophone, eh bien, je le disais, on avait fait un saut de 10 places cette semaine pour Ariane Dita avec Soyons Sauvages. Moi, ouais, man bun puis glitter dans la barbe, là. Parti pour la gloire. Hein. Moi, des barbes, ça me dérange pas, mais... C'est la fin de la deuxième heure des palmarès. Il faut se retrouver avec une troisième tantôt et le top 5. On va savoir enfin si notre numéro 1 francophone est toujours Bernard Alamus avec Donne-moi-en. Et du côté anglophone, bien, on a comme su que c'était déjà plus de Sheepdogs. Donc, qui est-ce que ce sera? Mystère et la réponse dans moins d'une heure au palmarès. C'est fou! Wouhou! Vous êtes assez fait, 89 troisième heure des palmarès fous pour la semaine du 16 au 22 novembre 2015. C'est Nathalie Baudin. Et Mathieu Plante. On est en train de se demander qu'est-ce qui sent ça. On croit que c'est les nachos de la chasse-galerie. Ah, peut-être, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a du popcorn d'habitude à cette heure-là. Oui, mais là, il est rendu 17h. Donc, il y en a qui doivent commander des nachos présents. C'est ça, pour les gens qui nous écoutent le mardi. Pour les gens qui nous écoutent le mardi. Le en vendredi, plus, qu'il y a un 5 à 19h. 7 ce soir. Oui. Pour le carnaval, alors peut-être qu'ils font plus de nachos. Exactement. On vous invite d'ailleurs à 5 à 7 qui commence maintenant à la Chasse-Galerie pour découvrir le thème du prochain carnaval étudiant 2016. Mm-hmm. Ça se passe là en direct les mardis. Ouais. Ouais. Mais nous, même si vous n'êtes pas en direct, et même si vous l'êtes, en fait, bienvenue à vous. Troisième heure de l'émission, on commence le top 5. Du côté anglophone, ce sera lancé numéro 2, The Fritellis et Me and the Devil. Pour le côté francophone, eh bien, on reste à la même place que la semaine dernière. C'est les incendiaires avec Tuzuku. Au palmarès c'est fou! Sur les ondes du 89 FM. Thank you. Tell one last beautiful lie for me. Make all your promises rhyme for me. Keep me in line, but do it honestly. Make it real, make it slow, stay alive for me. The Fratellis, la pièce Me and the Devil, lancée numéro 2, maintenant en 5e, dont ça a descendu de 3 places. Et j'essayais de voir si elle n'avait pas terminé en même temps que j'avais commencé à parler, mais non, malheureusement. En 5e francophone, eh bien, même chose que la semaine dernière, c'est Tuzuku des Incendiaires. Tuzuku! Tuzuku! Ça, c'est ton accent mexicain, je pense, de tantôt, hein? Tellement bon! Hey, fallait pas le ramener, celui-là, que je me suis un petit peu... À peine! Son allemand, allemand a aussi l'air d'un accent hindou, fait que c'est... Y'a aucune discrimination dans tes accents, toi. C'est ça. Tu fais n'importe quoi. Exactement. Et ton apparence est russe, selon certains auditeurs? Selon certaines personnes, lorsque j'étais blonde, j'avais l'air d'une russe. C'est ça. C'est ce qu'il y avait. Bref, allez chercher Tania Baudin, puis vous allez bien pouvoir nous donner des nouvelles de ça. Bonne chance. Ouais. Pour ce numéro 4, du côté anglophone, US Girls et Window Shades qui montent de la 7e. Du côté francophone, eh bien, en 4e position de cette semaine, c'est Donne-moi-en de Bernard Adamus. La semaine dernière, c'était notre top 1. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il cette semaine? Il en a donné un peu moins, je pense. Je pense que ouais. Il a descendu son tonnage. C'est comme... Il s'est calmé. Il a du stop la générosité, hein? Faut que j'en garde le Noël du pauvre, hein? Fait que... C'est ça. Bernard Adamus, c'est au pas mal assez fou. Parti scorpio, singe bonobo, piste de kétine, souffleur, en potin de taille. Achète l'épaule sur le rock'n'roll. Les gars filent d'eau, mais ça de y'a. Les gars filent d'eau, mais ça de y'a. Paraît peut-être pas, mais ma tic à donne. N'a pas une grande demain, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais ma tic à donne. N'a pas une grande demain, t'en as plein les bras. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main. Y'a que ça, pis de rêve que l'eau. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main. Y'a que ça, pis de rêve que l'eau. Je sais que c'est que faut qu'on parte. Cheveux tout croche, la barbe d'un bras, tu vois dans l'œil qu'il grise, les doigts qu'il frise. Si toi tu bois, lui double la mise. Il bouge pas là, pas sympa, suivi. Il passe une mop, là il change de chemise. Il drop des scotches, de grip et clutch. Il tête une pop, s'allume, c'est une botch. Dans sa main, une drôle de bébé. Il travaille fort, le moins souvent possible. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis il a t'assoit. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur. tomber à ta soie. Dire donne-moi ça, juste de même, mais rien que de ça. Pis d'être que là, ouais, donne-moi ça, juste de même, mais rien que de ça. Pis d'être que là, que je sais que c'est que c'est que fait qu'il faut qu'on parte à soi. C'est mes shooters, une peine de blanche, j'enlève le pot dans tous ces matchs. Au plan de score, va sur escort dans mes oreilles. J'entends le corps, le compte à rebours, un petit passé pour ma question. Voici, je m'agresse le week-end, big, me roule, c'est pas mec, la tune à Jim McLeff. On en rajoute, puis on radote la note à montre, la ville de Saint. Si je pêche dans un gramme, deux sucres, une crème, je pique à Joe Pendal, le week-end, fait chauffer le casque en début de semaine. Excès de voir action, être encouragé, qu'il me coule la mine. Me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, et la pétune, Shawinigan m'a dit qu'elle est bonne, me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, et la pétune, Shawinigan m'a dit qu'elle est bonne, Mekamagan. Thank you. Window Shades par US Girls, position numéro 4, ça monte de la 7e en anglophone. Et du côté francophone, on a entendu le numéro 1 de la semaine dernière qui était Donne-moi-en de Bernard Adamus. Et t'entends de parler de ton accent, de ton apparence russe et de tes accents allemands, Pays-Bas, Néo-Zélandais, je sais pas trop d'où tu pognes chacun de tes accents. Moi, c'est, on m'a dit ça quand je travaillais à l'aéroport, que j'avais l'air d'une russe. Oui. Mais on me le disait déjà depuis très longtemps. Bon, tu vois. Tania Baudin, elle a une page de fan, si vous voulez aller... Pour vrai, là. Pour vrai. C'est pas une page de fan. C'est une page de fan. C'est une page pour les gens qui t'aiment bien, mais qui ne sont pas tes amis proches. Avoue-le. Je l'avoue. Bon. Donc, on a un auditeur. Oui. Appelons-le David, qui nous écrit les palmarès avec Tanyashka Bodinov. Mais en plus, c'est que mon nom est russe, donc tout Baudin, porte... Baudin, c'est russe ou Tania? Non, mais Tania. OK, je sais pas. Donc tout porte à croire que je suis vraiment russe, surtout quand je suis blonde. Voilà, mais tu ne l'es plus. Et je là, ne tu vas le te faire plus. Tu vas te faire tondre. Je vais te faire tondre. Ouais. Comme oui, un animal. Je vais me faire tondre. On va tondre c'est... Tania de couleur brune. Exactement. C'est ça? Tu es encore plus traditionnel. Bien oui, j'aime me fondre à la masse. C'est ça, avoir l'air la plus normale possible. Mais ça va être brun avec des petits reflets roux. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça sur ta page de fan? Peut-être. Tania Baudin avec un Y. À Tania, pas Baudin. Oui, oui. Ça, c'est la confusion chez les auditeurs. Ils mettent un Y à Baudin, puis ils ont tort. Ben ouais, non, c'est ça. C'est Tania avec un Y, Baudin avec un I. C'est ça. Ça va faire le niaisage. Il y en a une autre qui s'appelle Tania Baudin, exactement comme moi. Pas même. Mais elle vient de Mascouche, c'est pas moi. Celle qui vient de Trois-Rivières. Exact. Là, on parle de la page de fans. C'est pas marqué ta ville. Oui, c'est marqué Trois-Rivières. Ouais. Bref, Tanyashka Bozinov. Oui. Prête à continuer? Je suis très prête à continuer. Pour ce numéro 3 du côté anglophone, c'est The Noble Thieves qui fait un extrêmement haut saut en perche de la position 20 à la 3. Ooh. Ça fait 17 de haut. Oh, quand même! C'est quelques étages au moins. T'as-tu vu ma réaction? Oh! Ouh! C'est ouh! Da! C'est ton accent russe? Da! Da! Et en francophone? Eh bien, en francophone, on fait un saut quand même de 7 places. Oui. Quand même un bon saut aussi. Un 7 carré. Un 7 carré, t'as tout compris. Ça va être la chanson « Regarde-moi » des Hôtesses d'Hilaire. On parle assez fou! Sur les ondes du 89 FM. Da! message à nos troupes. Regarde-moi et ému pour tous ceux qui souffrent. Regarde-moi m'indigner contre les enfants qui travaillent dans les usines. Ah, regarde les beaux souliers que je viens de m'acheter. Regarde ma dernière montre. Regarde, c'est qui se casser, qu'un nouveau cellulaire. Regarde, c'est la saison de barbecue. Regarde le nouveau balcon. Regarde la rallonge à la maison. Regarde, on s'est fiancé. Regarde la limousine pour mon bachelor party. Regarde, on s'est marié. Regarde, je suis rendu sage. Regarde mon bébé. Le cordon détaché. Le corps se passe en bas dans le sol. Ouais, je sais. On pourrait penser qu'un jour je retiendrai quelles pièces ont 35 secondes de silence à la fin. Mais non, pas capable. Avec 40 pièces, c'est difficile d'y retenir. T'sais. Alors, on vient d'entendre The Noble Thieves, How Can You Think of Love at a Time Like This, qui monte de 17 places en 3e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on avait monté quand même de 7 places pour Les Hôtesses d'Hilaire avec Regarde-moi. Et voilà, il reste environ une demi-heure à l'émission, mais seulement quelques minutes avant qu'on arrive au numéro 1. Avant ça, c'est le numéro 2 dans l'ordre logique des choses. En temps normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tout va bien, on devrait entendre en anglophone Dilly Dally avec Purple Rage qui monte d'une place en deuxième anglophone. Et en deuxième francophone, eh bien, on monte aussi de seulement une place avec Mannequin Magasin de Navé Confit. Hey boy! Hey! Ça, c'est excellent! Oui! J'ai faim en plus de Navé Confit. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait. You won't recognize the game. Dally et Purple Rage montent une place en anglophone, c'est la deuxième position. Et du côté francophone, ça l'a aussi monté d'une place, de la troisième à la deuxième, et c'était Mannequin de magasin de Navet Confit. Je me suis mêlé parce que tu m'as parlé en ronde de la recette parfaite pour s'assurer de ne pas avoir un lendemain de veille, autre que prendre des Advil avant de se coucher, c'est de boire du lait et de manger des cornichons, un peu comme une femme enceinte frais. Un peu. C'est peut-être ça la solution, tu sais. C'est ça. Et Dilly Dally, ça m'a rappelé ça parce que Dill Pickle. Ah, ben oui. Dilly Dally, tu sais. T'as bien raison. Et tout ça m'amène graduellement, très très subtilement, vers les jeux de mots poche. Ouh, c'est le temps. Des numéros 1. Il n'y en aura pas 1, il n'y en aura pas 2, il n'y en aura pas 3, il n'y en aura pas 4, il n'y en aura pas 5, il n'y en aura pas 6, il n'y en aura pas 7. Il n'y en aura pas 100 non plus. 100 pas. Ah, ben oui, ben oui. Ah, ben oui, ben oui. Ben oui, ben ah. oui. Hey, hein? C'est comme si tu... Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de prendre deux mots qui n'ont pas rapport ensemble et les smoucher ensemble. OK. Comme Joyeux Noël. Ouais. Joël Saint-Pierre. Ah, ben oui. Smoosh. Smoosh. Smoosh ensemble. Smoosh ensemble. Puis toi, tu fais quoi comme, comme activité avec des mots? Et pas grand-chose, je vais t'avouer, à part jouer au Scrabble, puis j'y joue pas souvent. T'es un peu plate. Je suis pas mal plate. T'es mais je suis pretty. C'est ça, ben t'es belle, c'est pour ça que tu vas au Scrabble. C'est ça. Tu viens juste de l'avouer. Ben oui. Que t'es tout le temps en train de jouer au Scrabble. Oui. J'y vais pas. Je joue. Tu joues au Scrabble. J'ai à préciser. Disons que t'es, si t'avais, Proxénète, c'est le gars qui s'occupe de gérer les prostituées, hein. C'est ça? Je suis pas certaine. Proxénète, il me semble que c'est... Proxénète. Est-ce que c'est le nom pour une prostituée? C'est quoi le nom pour un pimp en français? Proxénète, définition. Le proxénète est une activité consistant à tirer profit de la prostitution d'autrui ou à la favoriser. Voilà, c'est un pimp, donc... C'est un pimp. Pretty, t'es jolie, tu l'as dit tantôt, t'étais juste pretty. Ben oui. Et t'es pretty pimpin. Ben oui. Comme on dit. Parce qu'évidemment, je tire profit de la prostitution. C'est ça. Et tu te promènes partout en ville. Mm-hmm. Vile. Kurt Vile. Oh... Comme dans Vile d'histoire et de culture. Ben oui. C'est ce qu'on appelle ton entre-gens et c'est rempli d'histoire et de culture. Alors, et non, mon entre-gens. Non, ça va trop loin. Là, ça va ouais, trop loin. C'est terrible. Ça va trop loin. Mais bon. Ah, oh, puis en plus, as-tu vu ce qui s'en vient? Oui, j'ai vu ça. Peut-être que si je continue sur ce chemin-là, on va me tuer. Ouais. I believe I'm going down. Explique-nous tout ça. S'il te plaît. OK. Alors, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas. Tu continues jusqu'à sept, ouais, ça. Exactement. En fait, c'est parce que la pièce qu'on va entendre en première francophone, c'est 100 pas de Joël. Ah, Joël. Je sais que c'était en Joël. Ah, Joël Saint-Pierre. Joël, ben oui, c'est ça. C'est Joël Saint-Pierre de l'album. Et toi, tu fais quoi? Hein, je t'ai demandé, d'où les jeux de mots, ouais. Littéralement cette question-là. Ben. Exactement. Par la suite, j'ai répondu que j'étais pretty. Et là est venue toute l'affaire de la proxénétisme. Franchement, je crois qu'on aurait dû s'en passer, mais bon, tout ça parce que la première anglophone, c'est Pretty Pimpin' de Kurt Vile. Partout en ville. Ah. Oh. Et là, on a juste comme pas décidé de continuer du mot avec ça parce qu'il y avait beaucoup trop d'options. Et c'est de l'album Believe I'm Going Down. Mais vous, c'était la meilleure semaine pour faire des jeux de mots. Mais sérieusement, les jeux de mots fonctionnaient à perfection. Ça se faisait tout seul. J'ai même pas aucun talent, ça vient d'en haut. Till I'm Going Down. Till I'm Going Down. Voilà, donc les numéros 1, on les écoute à l'instant et puis après ça, on revient. Et puis, il va nous rester un petit peu de temps pour jouer des pièces, on va sauter. Oh! Oh, pas à se faire sauter, Tania. Et oh, oh! I believe I'm going down. J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes. Je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors rends-moi. Je suis folle de vouloir te rendre fou. Je ne sais plus ni quoi faire ni quoi dire. Donne-moi la raison de ce délire. Là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. rendre fou. Tous ces détours que je connais par cœur pour éviter ce chemin qui fait peur. And I was position numéro 1 pour la semaine du 16 au 22 novembre 2015. On vient d'entendre en anglophone Kurt Vile et Pretty Pin Pin qui monte de 10 places, 3e semaine de présence sur l'album Believe I'm Going Down. Et du côté francophone, on a monté de 3 places cette semaine pour la première position. C'est 100 pas de Joël Saint-Pierre de l'album Et toi, tu fais quoi? Et voilà, il nous reste encore une dizaine de minutes à l'émission de cette semaine. Mm-hmm. Donc on a le temps de retourner en arrière et on se suggère, toi et moi, on s'inter et auto-suggère. Ouais. Si on veut. Du côté anglophone, plus tard, il y aura Elvi avec Return to the Moon qui monte à la 11e place à partir de la 16e. Et du côté francophone, on va aller écouter la 12e place qui a monté de 3 places cette semaine. C'est Rien ne saigne comme un pouce des revenants. Ben, Colin, il y a un petit goût de revenez-y, comment on dit? Revenez. C'est ton russe encore qui ressort. C'est ça, c'est fou, tu roules tes airs. Arrive. C'est les palmes à reste. C'est fou, non? Au 89.1 FM. Palmes à reste. Chercher du sens. C'était la formation Les Revenants qu'on vient d'entendre en francophone avec Rien et 5 comme un pouce qui monte de la 15e à la 12e place. J'ai-tu le droit de le dire? Vas-y donc voir, moi je me retenais, mais vas-y. C'est pas le band rock de l'année, hein? Non, c'est pas très rock. C'est, en tout cas, si c'est rock, c'est du rock détente pas mal. Mais pas dans le sens que c'est mauvais. Ça disait, il y a pas des gens qui disaient que c'était un band rock, oui, ça? Oui, je sais pas qui sur Facebook j'ai vu comme groupe de rock, ouais. Mais ça marche pas, c'est pas un groupe non, de rock. Non, non, en tout cas pas cette tune-là. Non, c'est un groupe plus folk, je dirais. Plus bluesy folk? Dépressif. Quoi? Donc Les Revenants. On va se quitter dans quelques instants avec une autre pièce, celle que j'ai dit tantôt, Elvi, avec Return to the Moon, parce que sinon on défoncerait notre case horaire, donc on va se quitter avec ça à la place. On défonce tout le temps, qu'on défonce le show du matin, ouais. Les palmarès, on finit tout le temps par défoncer l'heure de notre show. Est-ce que tu veux que je te dévoile l'envers du décor? Ouais, vas-y donc. L'important, c'est de défoncer avec de la musique et non pas quand on parle. Parce que sinon, on va falloir qu'on coupe des mots. Ah, t'as bien raison. Si on dépasse la case. Bref, tout ça pour dire qu'on va être de retour la semaine prochaine, mardi entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, c'est réanimation, émission de métal et d'horreur. On passe le vendredi à 17h. Après nous, Sky Punk et les Bonnets Rouges. Et dimanche, entre midi et 15h, à c'est l'écoute. Cif.ca pour la programmation. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission. Merci, Tania Baudet. Et merci, Mathieu Plante. Bonne journée, là. Bonne journée. On se retrouve, bonne soirée. Mais si vous l'écoutez en rediffusion, peut-être. Bonne, bonne journée. Bonne après-midi. Ça dépend, c'est finalement. Hein, bye. Mais là, non. Proxénète. Ouais, proxénète. Scratch a ticket with a leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twins. Family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. I could ever go on without you now, Jesus.